Un sac de gros sel de l'île de Ré. Le sel est extrêmement nécessaire à la lactofermentation et c'est un des éléments les plus importants présents sur cette table et en particulier pour la fermentation des légumes.